Bonjour et bienvenue pour votre horoscope de la semaine du 20 janvier 2025 et voyons tout de suite ce que les astres vous réservent. Amis Bélier, bien financièrement, plus la semaine avance et plus vous devez resserrer les cordons de votre bourse. Évitez surtout cette semaine les transactions importantes. On remet ça plus tard. Côté relations, c'est un peu comme si le ciel vous boudait. Alors certains vous ont pris en grippe et les autres, bah, rien à faire, vous les supportez mal. Patience, on attend, ça va passer. Taureau, eh bien sous l'influence bienveillante de Mars, Uranus, Neptune, vous appliquez vos idées originales sans douter de vous. Eh bien c'est très bien, et même libérez votre imagination. Côté relations, Vénus, Mars, Uranus vous promettent un programme riche en rencontres et peut-être bien un coup de foudre, oui. Alors laissez-vous surprendre. Gémeaux, ni Saturne ni Mars ne vous soutiennent cette semaine. Alors vous traînez telle une tortue fatiguée. Inutile de chercher de l'énergie dans une piscine de caféine. Non, ça vous fera que du mal. Alors respectez plutôt les heures de repos. On essaie de se coucher plus tôt si on le peut. Côté relations, les incompréhensions règnent. Alors prenez un moment pour écouter les autres. Ça peut apaiser les échanges. Voilà, donc courage pour cette semaine. Cancer, c'est une bonne semaine pour préparer la récolte de la fin du mois. Mars, Uranus et Neptune vous inspirent des idées folles qui donneront de beaux fruits. Côté relation, une surprise affective est probable. Ouh, attention, à moins que vous preniez vous-même des initiatives audacieuses. Dans tous les cas, il y a de la joie. Passons maintenant à nos amis les lions. Lion, eh bien Jupiter. Oui, c'est bien Jupiter. Il va vous envelopper d'un bouclier protecteur pour vous protéger justement des nuisances de virus. Alors, pour renforcer votre dynamisme, n'oubliez pas d'adopter des habitudes saines. Voilà, de renforcer même votre système immunitaire. Avec tout ça, vous êtes paré. Côté relations, eh bien, votre moitié rayonne. Vous êtes fier de vous promener à son bras. Et ça, c'est beau. En solo, vous n'êtes pas les plus gourmands. Eh bien, c'est pas grave. On est bien aussi en solo. Ça arrive. Vierge, eh bien, Mercure vous stimule. Votre concentration vous permet de pallier le manque de moyens, surtout tenez bon. Côté relation entre Vénus, Saturne et Jupiter, vous avez l'impression qu'on vous souffle un petit peu le chaud et le froid. Alors prenez du recul et ne courez pas derrière ceux qui ne savent pas se décider, c'est peine perdue. Balance, entre lundi et jeudi, le soleil est plutôt en Verseau, révèle tout votre potentiel. Mettez en avant vos atouts parce qu'ils seront remarqués. Côté relation, dès lundi, vous parvenez à mieux équilibrer vos humeurs et vous retrouverez plus de punch. Oubliez l'hiver, n'hésitez pas à sortir et voir du monde. Il fait froid, mais on se couvre. Voilà. Amis Scorpion, maintenant, eh bien, lancez-vous des projets créatifs, voire même sportifs. Peut-être le moment de s'inscrire à une petite course à pied, par exemple. On ne sait jamais. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Côté relation, dès lundi, Vénus, Saturne. Et Mercure organise un bal galactique. Oui, alors ça veut dire quoi? Eh bien, en couple, vous partagerez des moments mémorables et en solo, bien, soyez prêts pour une rencontre qui vous fera perdre la tête. Voilà, j'en connais qui vont avoir le cœur qui bat. C'est beau. Sagittaire, faites confiance à votre intuition et osez prendre des risques. Les énergies de Pluton et Jupiter renforceront votre confiance en vous. Côté relation, la communication est la clé en ces jours. Alors écoutez bien vos proches et ouvrez le dialogue. Partagez vos émotions, cela renforcera vos liens. Amis Capricorne, que dit le ciel pour vous cette semaine? Eh bien Mars, avec son caractère combatif, génère de la tension. Réservez-vous des moments de répit au cours de la journée parce qu'elle pourrait être chargée et stressante, alors faites-vous des petits breaks de temps à autre, voilà, pour vous écarter de tout cela. Côté relations, Mercure, Vénus et Saturne, eh bien, vous annoncent des rencontres marquantes. Intensité et stabilité vont de pair, alors ayez confiance en ces liens. Voilà, cette semaine, on mise un petit peu sur ces relations. Verseau, maintenant, eh bien, un très joyeux anniversaire si vous célébrez votre anniversaire cette semaine. Voilà, nous vous souhaitons le meilleur, d'être entouré de vos proches, toujours, voilà, pour accueillir cette nouvelle bougie. N'oubliez pas de faire un vœu avant de la souffler. Jusque jeudi, en tous les cas, le soleil et Pluton mettent en avant votre charisme, votre pugnacité et votre intuition. Oui, oui, oui. Montrez à vos collaborateurs la pépite que vous êtes, pour ceux qui l'ignorent encore. Côté relations, privilégiez les échanges et les discussions sincères en famille et écoutez les besoins de chacun pour créer de l'harmonie. Vous savez très bien le faire. Maintenant, démarrons. Terminons. On aimerait bien redémarrer encore, mais pour ça, vous pouvez recliquer sur le début de la vidéo. Terminons par nos amis les poissons. Poissons, Morale solide, courage, énergie à revendre cette semaine. Rien ne va vous résister. Attaquez la semaine sans craindre de faiblir avant le week-end parce que non, tout va se dérouler avec une énergie folle. Donc allez-y. Côté relation, en début de semaine, les astres vous réservent une grande fête. Petit bonheur cette semaine. Hein. En duo, ce sera comme une lune de miel, bis. Et célibataire, eh bien, ouvrez-vous. Des opportunités sont à venir. Voilà, quel bel horoscope, ami poisson. Eh bien, à toutes et à tous, n'hésitez pas à nous apporter vos commentaires, nous raconter votre journée, peut-être votre semaine, savoir comment les astres, les étoiles vous portent cette semaine, savoir qu'est-ce que vous les sujets que vous rencontrez, vos aspirations. Et puis, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. On vous embrasse tous. Ciao.